Document 2, page 60. Dis donc, Myriam, le mercredi, tu vas toujours au café philo où tu m'avais emmené une fois? Ah non, je n'y vais plus depuis 6 mois. La philosophie ne t'intéresse plus? Si, mais c'est la clientèle du café qui a changé, et que j'aime moins. Maintenant, ce sont surtout des profs qui y vont. On a l'impression d'être à l'école. C'est dommage. Tu fréquentes un autre café? Oh, je vais toujours au café Joseph, où je suis sûre de retrouver des gens que je connais. Mais le mardi soir, je vais au pub irlandais. Ah, tu aimes la bière maintenant? Mais non, Simon, c'est un café quiz. On forme des équipes, et pendant 2 heures, on répond aux questions de l'animateur. L'équipe qui a le plus de points gagne une bouteille de champagne. Ah ça, ça me plairait. Les questions sont difficiles? Un peu, bien sûr. Mais ça fait référence à des sujets d'actualité dont tout le monde a entendu parler. Et toi, tu as trouvé un nouveau café à thème, Simon? Oui, le vendredi soir au café de la mer. C'est le jour où il y a le café silence. Et personne ne parle? Exactement. Pendant 1 heure et demie, on communique avec les autres en écrivant sur des petits papiers que le serveur nous a donnés à l'entrée. Bizarre. Et après, vous avez le droit de parler? Évidemment. Ça marche bien. J'ai connu plein de gens très sympas dont j'ai le numéro de téléphone et que je vois régulièrement. Des filles, j'imagine.